J'ai raté le départ. Ah. Bon, je relance. Je fais synthé après la batterie. All my hopes seem so follow. The mysteries are all of them, and the light at blue. My distance was cut in motion, and fate just fell into shadow and blue. Flash in the night. Whoa. A flash in the night. The flash just found you. Mesdames et messieurs, monsieur Zig, au clavier! A flash in the night. A flash in the night. Il y a l'américain, on entend son micro, il va être allumé. Je sais pas s'il dort, mais ça doit faire un bordel chez lui.